Audiomatique. Ich bin Vorreiter der Brigade Adolf Hennecke hier bei uns im Volkseigenbetrieb Eisenwerke Bernsdorf. Die Arbeit ist hart, aber schön. Bei uns gibt's eigentlich den ganzen Tag Zucht, Ordnung und elektronische Musik. Dank unserer sozialistischen Bruderbetriebe war es uns in letzter Zeit möglich, den vorgegebenen Normen in der Stahlproduktion zu entsprechen. Qualität und Quantität für den Export erreichen wir durch Zucht, Ordnung und elektronische Musik. Einmal im Monat unterrichtet der Genosse Funktionär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands über die Errungenschaften des Arbeiter- und Bauernstaates gegenüber dem imperialistischen Klassenfeind. Der Sozialismus siegt durch Zucht, Ordnung und elektronische Musik. Nach einer anstrengenden Woche und sozialistischer Planführererfüllung geht es am Wochenende mit Genossen und Genossinnen der anderen Brigaden ins Kulturhaus Wilhelm Wieck. Bei geselligen Zusammenseien genießen wir Zucht, Ordnung und elektronische Musik. Ich bin gerne Stahlarbeiter und ich mag Zucht, Ordnung und elektronische Musik. C'est la courte pièce digitale de la formation Pincel List qui introduisait la transmission 037 d'Audiomatique. On en connaît peu sur Pincel List, une formation qui, à notre connaissance, n'a que deux mini-albums à son actif réalisés en 2004 et 2008, en plus de la pièce que nous avons entendue qui paraît sur la compilation Hymns of Steel. L'heure est encore venue pour les électronistes de briser l'isolement de leur écoute intimiste et de vous ouvrir leur monde musical en vous présentant un florilège d'artistes qui ne représentent qu'une infinitésimale partie de l'univers de la musique électronique. N'hésitez surtout pas à nous confronter, à nous conforter dans nos choix en nous faisant part de vos demandes spéciales, de vos interrogations et de vos commentaires. Vous pouvez nous joindre de différentes façons, mais les plus simples sont encore notre adresse courriel audiomaticcfou@gmail.com et par l'entremise de notre page Facebook à facebook.com/audiomaticcfou, où vous trouverez également les liens pour écouter toutes les anciennes transmissions d'Audiomatique. En cette journée festive, nous poursuivons en musique avec l'artiste québécois Stéphane D et sa pièce Portrait type. Thank you. À Audiomatic, cette courte séquence musicale se terminait avec, vous l'aurez reconnu, Björk et la chanson All is Full of Love, remixée par le duo allemand Funksturung sous le nom In Love with Funksturung Remix. Et pour débuter, il s'agissait du Montréalais Stéphane Denis, qui est un artiste multidisciplinaire et qui s'exécute musicalement en tant que Stéphane D. On pouvait entendre sa musique alternative d'ambiance avec sa composition portrait type de son album À la recherche du Patuco. Je vous invite à visiter son site pour en découvrir davantage à furaxe.qc.ca/StéphaneD, le furaxe.qc.ca/STEFAND. La continuité de la transmission est assurée par la formation Curlian Camera, de qui nous écoutons une version actualisée en 2001 de sa pièce Blue Room, originalement composée en 1985. Dans la version que nous allons entendre, à la voix de Simona Bouja, la première chanteuse de Curlian Camera, s'est substituée celle d'Elena Alice Fossey, qui assure les partitions vocales depuis la toute fin des années 90. Et c'est toujours Angelo Bergamini qui compose la musique, et ce depuis l'apparition de Curlian Camera en 1980. Voici donc Blue Room. Cross the line, words. And so tell me, where is all the lies? I lost in tumble these lines, and it's too late to return from the golden exotic place. Screaming the last and looking around, all my life lost in a breath. In a brief feel with night. Musique. 89.1. Cette séquence se terminait avec un remix de la pièce Spark d'Assemblage 23, version que nous offre le projet Black Audio. Celle-ci se retrouve notamment sur la compilation Kinetic Festival Volume 4, qui regroupe tous les artistes ayant offert une prestation lors de la 4e édition de ce festival, tenu à Montréal en 2011. Auparavant, nous écoutions la formation islandaise Legend, qui mélange à merveille les styles électro, rock, dark wave et industriel à travers son premier album intitulé Fearless, un album qui est sorti en 2011. La pièce que nous avons entendue se nomme Sudden Stop. Et c'était la formation Curlian Camera qui ouvrait ce bloc de trois pièces avec Blue Room version 2001 qu'on retrouve sur l'album EP Absentee. Allons-y maintenant à Audiomatic avec le duo français Programme. Je suis un boomerang, un boomerang, un boomerang, un boomerang, un boomerang, un boomerang, un boomerang, un boomerang. J'ai le cœur entre les dents, si stressant de risquer à chaque instant de boire son sang. Je sais prendre la pause, si troublant de se dire quelque soi veut dire quelque chose. Dire quelque chose. Je rêve de maison en ruine, c'est traumatisant d'y voir des aveugles inventer des signes et se blesser dans le noir en gesticulant. Je connais la morale, c'est intéressant de vérifier que faire le bien c'est mal faire le mal. Je suis un boomerang, je suis un boomerang, je suis un boomerang, je suis un boomerang. Ça veut dire aussi que je retourne chaque fois sur mes pas, donc que je n'oublie pas qu'à 26 ans je n'ai déjà quasiment plus le choix. Déjà quasiment plus le choix. Parce que moi je suis moi, je suis moi, je suis moi, je suis moi. Je suis un boomerang, un boomerang se lance fort et loin. Je file en tournant sur moi-même et je reviens aussi loin lancé quelque part, aussi loin lancé. Je reviens toujours au même point de départ, toujours au même point de départ. Comme un boomerang se lance fort et loin. Je file en tournant sur lui-même et je reviens aussi loin lancé quelque part, aussi loin lancé. Reviens toujours au même point de départ, toujours au même point de départ. J'ai des philosophes, c'est marrant de juger ce qu'il en reste vraiment dans la vie de chacun tous les jours. Je dois gagner mon argent, c'est angoissant de se dire que ce seront tout le temps les mêmes questions qui reviendront sur la table. Je vois des veuves, c'est impressionnant de les voir du haut du pont jeter le miroir cassé dans le fleuve. J'ai le cœur entre les dents, j'ai le cœur entre les dents, c'est vraiment dégueulasse. Je suis un boomerang, je suis un boomerang, je suis un boomerang. Ça veut dire que souvent je décolle plein d'espoir et de joie, pour que je me retrouve comme avant les pieds pris dans la colle. parce que moi je suis moi, je suis moi, je suis moi, je suis moi, je suis moi. Je suis un boomerang, un boomerang, s'élance fort et loin. Je file en tournant sur moi-même et je reviens aussi loin lancé quelque part, aussi loin lancé. Je reviens toujours au même point de départ, toujours au même point de départ. Comme un boomerang, un boomerang, s'élance fort et loin. En tournant sur lui-même et je reviens si loin lance quelque part, si loin lance revient pas. Toujours au même point de départ, toujours au même point de départ. D'un coup un voile gris recouvre les visages et les gestes, tout devient flou. Chaque parole est un tunnel qui débouche sur une cage suspendue en dessous du reste. Je deviens fou, mais il faut remonter. Et ces choses qui m'ont imprégné, les effacer. Et les entraîne de ne plus faire ces choses, les inventer. Un boomerang, un boomerang. Je suis un boomerang, un boomerang. Je suis un boomerang, un boomerang. Je suis un boomerang, un boomerang. Question that I'm in a position to answer. true that that you have specific guidance not to use the word genocide in isolation, but always to preface it with this word axel? I have guidance which I try to use as best as I can. There are formulations that we are using that we are trying to be consistent in our use of. I don't have an absolute what might we be viewed if we declare the nuclear genocide and then we're not in a position or not ready or willing or able. Fact matters, it was there, and the fact that we didn't say so was already tarnishing our credibility. But I think that's probably one of the most shameful passages in this. Length of time and the amount of tortured discussion it took us to. We'll be right back. À Audiomatic, on vient tout juste d'entendre un groupe qui cultive le mystère et l'anonymat et qui a pour nom Tear Gas and Plate Glass. Et ce groupe nous présentait leur composition Simplify This Landscape with Darkness de leur album Black Triage. Tout juste avant, le duo anglais Man-Child se faisait entendre avec la pièce Return to the Dragon de leur album Untied States. Et pour débuter, le duo français Programme nous offrait la chanson Boomerang de leur premier album Mon cerveau dans ma bouche. La conclusion de la transmission 037 d'Audiomatic sera assez abrasive, considérant que nous écouterons un extrait d'une composition mettant en vedette Merzbow et Pansonic. L'extrait d'environ 10 minutes est tiré de l'enregistrement d'une performance que les deux projets ont livrée ensemble lors du 19e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, une performance qui a eu lieu en mai 2002. Cette composition d'une durée totale de 68 minutes 18 secondes met en relief l'approche bruitiste de Merzbow avec la rythmique de Pansonic. Sachez enfin que cette performance est disponible dans son intégralité sur l'album intitulé tout simplement V, publié par les disques Victo. Les électronistes qui vous remercient d'avoir osé partager nos suggestions musicales pendant cette heure dédiée à la musique électronique. Audiomatic est rediffusé sur les ondes de C'est fou les dimanches à 14h et les lundis à 13h. Vous pouvez également réentendre toutes nos anciennes transmissions sur notre page Facebook à facebook.com/audiomatic-c'est-fou. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 17h pour une nouvelle émission audiomatique. D'ici là, passez une agréable semaine remplie, nous vous le souhaitons, d'inspirantes découvertes musicales. Voici donc, pour terminer, la collaboration entre les projets Merzbow et Pansonic avec un extrait de la pièce V. Bonne écoute et bonne semaine!